Mesdames, je ne sais pas, mais des fois, il m'arrive de me parler à moi tout seul. Ça a dû vous arriver aussi. Mais ce soir, je suis content. Je vous ai trouvé. Des fois, tu marches dans la rue et tu crois que tout est à toi, que tout appartient, que rien ne peut t'arriver, que tu es un homme libre. Hein? Tu crois que tu es un homme libre, que rien ne va t'affecter, jamais. Parce que tu es le seul à détenir ton pouvoir, le tien, celui qui t'appartient, celui que tu as dans ta tête. Pauvre innocent que tu es. Une femme me tient. Une femme au sein qui enivre, une femme au loin qui m'appelle, et moi je dois la suivre. Une femme m'attend tout au bout du chemin. Écoute, hier encore, je disais toujours qu'une vie sans amour est pas jeu sans prose. Hier encore, je riais de tout. J'étais comme un fou, je vivais sans cause. Hier encore, j'étais maître de mon destin. Et soudain, cette femme me tient, cette femme au sein qui enivre, cette femme au loin qui m'appelle, et moi je dois la suivre. Cette femme m'attend et détient mon destin. Et demain, qui pourra lui dire que je l'aime et que sans elle je ne peux pas vivre? Tu pourras lui dire que sans elle moi je ne veux pas vieillir. J'ai envie de la voir danser encore une fois. Mais pourquoi cette femme me tient, cette femme au sein qui enivre, cette femme au loin qui m'appelle, et moi je dois la suivre. Cette femme m'attend tout au bout du chemin. Croyais que tout appartenait, que tu étais libre. Tu comprends maintenant pourquoi je te parle comme ça. Parce que ça nous arrive à tous. On est tous fous. On cherche l'amour et on trouve l'amour. Et il nous fait plaisir un jour. Et il nous fait souffrir. Toujours. Tu peux aller à gauche, à droite, au milieu, sans partout chercher. Au nord, au sud, aux quatre points cardinaux, te balader sur tous les méridiens. L'amour, c'est pas pour celui qui le cherche, c'est pour celui qui le trouve. Et quand tu l'as trouvé, garde-le. Parce que d'autres le cherchent encore et ils peuvent te le voler. Sacré, cette femme te tient. Cette femme, mais elle est à toi, cette femme, au sein qui enivre. Cette femme détient ton destin. Et tu croyais, je ne vais pas recommencer. je l'ai dit tout à l'heure. Alors va, cherche, cherche. Ne désespère pas, mais vas-y, faut y aller. Moi, je vais rentrer, je suis fatigué. Il fait un peu froid ce soir. Et chanter devant vous comme ça, ça m'a...